Hey, Freddy, comment? Ça va? Ouais, pépère. Oula. Et pèse ça, façon clean là. Hein. Y'a les go, c'est quoi ça? T'inquiète, on va pécho là. Ah, laisse. Toi aussi, hein? Ouais. Et c'est combien là? Vous avez vos invites, les gars, c'est soirée privée ce soir. Mais c'était pas marqué soirée privée sur la. Ah, ben pas d'invite, les gars, vous dégagez, hein. Comment, on veut pas de rigolo ce soir, vous nous présentez vos invites, ou sinon vous dégagez. Mais non, nous on a. Ah, ben c'est soirée privée, vous avez vos invites? Vous avez vos invites? Non, mais. Non, non, dégagez. Ah, dégagez ou je m'énerve, ça sert à quoi, les gars? Allez, on va pas s'énerver comme ça, dégagez. D'accord, ne soyez pas colérés. Vous êtes colérés, c'est bon. Allez, on se fâche pas. Virez. Calmez-vous, hein.